Le temps file, mesdames et messieurs. On est déjà rendu au Bloc de l'Ouest, la musique de l'Ouest canadien. Et il y a un gros événement qui a lieu du côté de l'Ouest canadien. C'est le Contact Ouest. Tous les artistes de la francophonie essaient d'aller faire une vitrine à Contact Ouest pour pouvoir jouer dans les différents endroits francophones en l'Ouest canadien. C'est présenté, ça, ou organisé par le Réseau des grands espaces. Et ça aura lieu du 19 au 22 septembre à Edmonton. Donc, plusieurs artistes vont y être, entre autres Céleste Lévy, Geneviève et Alain, Léa Swamp, Loïc Morin, Paul Cournoyer, Pontex et Renelle Ray, et bien d'autres. Il y a aussi Beau Séjour qui vont y être. Beau Séjour étant tout simplement Jocelyne Baribeau et Danny Boudreau. Bref, c'est une grande foire de rencontres pour les arts de la scène et ça se passe du côté d'Edmonton du 19 au 22 septembre. Je vais vous faire entendre des artistes qui vont y être, entre autres Paul Cournoyer. Je manque d'air, c'est de son nouvel album Détroit que je dois écouter à un moment donné pour vous en donner un aperçu, bien sûr, dans mes commentaires de disques. Et par la suite, on va entendre Paradis de Loïc Morin, qui lui s'en vient avec un nouvel album, soit cet automne ou au printemps prochain. C'est à suivre, bien sûr. On espère de recevoir ça pour le faire tourner. Mais comme c'est le 25e anniversaire de Canrock et comme on commence tout le temps un bloc musical par une chanson souvenir, voici une chanson qui nous parle un peu de la langue. Voici « Moins moi sans elle ». C'est fait par l'auteur, compositeur, interprète Pierre Sabourin de la région de Edmonton, je ne me trompe pas. Le voici. Quand mon cœur se déchire, quand je veux pleurer, c'est son épaule qui vient me consoler. Quand je ne pouvais marcher, à peine avancer, elle s'est tordue la cheville pour boiter avec moi. Hey, hey. Hey, hey, hey. Quand la fatigue me recouvre de son drap gris, son sourire éveille les couleurs de ma vie. Si le monde pouvait voir ce que je vois dans ses yeux, ils y trouveraient la recette pour un monde heureux. Je veux lui dire, ton visage me fait sourire. Elle peut être une tornade, elle peut être un ouragan. Sans elle, tant qu'elle croit en moi. Elle peut être une tornade, elle peut être un ouragan, elle peut être aussi docile comme le printemps. Je suis moins moi sans elle. pense. Oh, dans ma tête, je suis moi sans elle. Je suis moi sans elle. Sans elle dans mes bras. Quand elle part au loin. Dans ta douleur, pas de repas, pas d'éclaircie dans ton esprit, endolori, se propageait la noirceur. T'as pris le chemin le plus court entre jamais et pour toujours, je peux rien y faire. On s'écoute tranquillement, mon frère. Mon frère. Mais je manque de sans toi ce soir. Reviens sur ton avenir dans ton air qui gronde. Sous les étoiles, je n'attends plus, mais j'entends toujours ta voix perdue dans l'autre monde. Dans l'autre monde. Et je manque. Dans le vent qui souffle sur la plaine, au fond de moi, j'espère seulement que tu trouveras ton éden. Aide-moi à respirer, je voudrais respirer. Mais aide-moi à respirer, je voudrais respirer. Car je manque. Car je manque. Hugues Morin, Paradis, nouvel album, comme je vous disais, là, soit à la fin, d'ici la fin de l'automne ou au printemps prochain. C'est à suivre, bien sûr. On va mettre un homme là-dessus, à savoir, « Hey, mon Loïc, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est prêt? Est-ce qu'on peut faire tourner ça? » Avec grand plaisir. C'est un gars super sympathique que j'ai croisé pour la première fois, pas au Contact Ontarois, mais au Gala des Prix Triard de cette année. Donc, vraiment, là, un gars de Vancouver. Là, on est rendu avec Mme Kelly Badeau, qui, elle, nous... il y a un extrait qu'on peut voir sur YouTube... un premier extrait d'un album à venir, c'est Éther, donc comme Hey, salut, comment ça va? Donc Éther de Mme Kelly Badeau, l'album est prévu pour le mois de novembre et j'ai bien hâte d'entendre ça, nouvel album de Kelly Badeau qui est une voix magnifique, jeune auteur, compositrice, interprète de Winnipeg, qui a une saveur très world beat, très musique du monde. Donc, c'est vraiment bien fait. J'ai adoré sa musique et là, elle nous prépare un nouvel album, comme je vous dis, prévu pour le mois de novembre 2019. Donc, une couple de mois encore et puis on aura du bon produit de Kelly Badeau. Et on va terminer ça avec une petite chanson souvenir, pourquoi pas, de l'album La Récolte. Monsieur Joël Lavoie, est-ce qu'il fera un nouvel album solo, Monsieur Joël Lavoie? Hey, on va mettre un homme là-dessus, voir. Hein? Et on va aller poser la question, savoir est-ce qu'il y a du nouveau stock qui s'en vient pour toi, mon cher. On va se rappeler un beau souvenir. Nouveau jour, très, très, très, très bonne pièce que j'adore énormément. Je vais vous faire entendre ça dans quelques instants. Mais là, on s'en va avec une jeune auteure, compositrice, interprète, de Winnipeg, Kelly Badeau. Son nouvel album s'en vient très, très bientôt, au mois de novembre. Et comme je vous dis, si vous allez sur YouTube, vous faites Kelly Badeau et Terre, Terre, vous allez pouvoir entendre cette chanson-ci. Hey, hey, hey, hey. You never let me down. You never let me down. Éther, je t'ai vu dans mes rêves. Quelque part où le temps n'a pas de place, je revois ton visage et je retrouve espoir. Sous le baobab aux mille et une histoires, ta flamme nous éclaire. Keep on spinning round and round. Tout un mystère, revêtu des aurores boréales, forte comme une montagne, et pourtant si fragile. Tu n'as jamais baissé les bras, alors éveille l'étincelle en moi. Keep on I'm not afraid to balade. Loin des tourments, des fausses façades, comme une pleine lune suspendue dans l'obscurité. Neige tombe comme un drap, sa douceur recouvre chacun de mes pas. Je me suis égaré pour finalement retrouver. J'ai vu le soleil se lever dans tes yeux ce beau matin. J'ai lutté contre la nuit et j'ai enfin compris mon amour. C'est un nouveau jour. Bon guitariste, M. Joël Lavoie, tiré de son album La Récolte, c'est Nouveau Jour. Et je vais aller poser la question, savoir, y a-t-il du nouveau produit, mon cher Joël? Parce que c'est vraiment intéressant ce qu'il fait. C'est un excellent musicien, très bon guitariste.